connais plus imminent que l'impossible. Un mal-être qui plombe, mon bonheur me l'atrophie. Je veux m'envoler quand tu pars, beaucoup d'ennemis profitent. Le cœur emballé dans de l'or, du sang et dans les nacres aussi. Mal dans ma tête, oh. Je préfère être seul, seul à ma fête, oh. Mal imminent, je suis seul dans ma tête, oh. Je préfère être seul, personne m'arrête. Personne m'arrête. Je veux pas détruire les autres. C'est plus facile de se détruire soi-même. Je n'ai que besoin de moi. Je vis plus dans le regard des autres. Maintenant je vis pour moi-même. Je n'ai que besoin de moi. Je me demande pardon. M'en voulais pas, mais je ne suis pas le bon. J'ai mis mon cœur à vendre et mes souvenirs sont dans des cartons. Tu sais, le sentiment que j'ai, c'est qu'on a perdu nos valeurs, qu'on s'aime plus avec un tas de gemmes. Les réseaux renferment mensonges, choupes sont des chansons, les gens se trompent, tout le monde est comme tout le monde. Mal dans ma tête, oh. Je préfère être seul, seul à ma fête, oh. Mal imminent, je suis seul dans ma tête, oh. Je préfère être seul, personne m'a fait. Personne m'arrête. Rien n'est plus imminent que l'impossible. Un mal-être qui plombe, mon bonheur me l'atrophie. Je veux m'envoler quand tu pars, beaucoup d'ennemis profitent. Le cœur emballé dans de l'or, du sang et dans les nacres aussi. Thank you.